Audiomatique. But I didn't realize it at the time. I didn't realize, but looking at it now, I was afraid, and that's why I didn't fight. I was gonna fight fascism. Audiomatique, transmission 535. En ouverture, c'était le duo Soccer 96, constitué du claviériste Dan Levers et du drummer Maxwell Hallett, tous deux membres de la formation Comet is Coming de Soccer 96. On écoutait la composition I Was Gonna Fight Fascism, sur laquelle on entend la prose et le jeu de saxophone de l'artiste Alabaster de Plume. Cette composition se retrouve sur le Tactics EP. Et maintenant, c'est au tour de la formation anglaise Tongue d'assurer la continuité à Audiomatique. Wake up. Let's go. Nous avions droit à Audiomatic, au groupe canado-suédois basé à Montréal, Das Halls, de son deuxième album intitulé Arbors et paru en 2011. Nous entendions la chanson « When They Fight ». Et pour amorcer ce bloc musical, il s'agissait de la formation anglaise Tongue, qui nous a offert un nouvel album le 25 janvier 2025, intitulé « Love You All Over Again ». De cet album, nous avons choisi de vous présenter la chanson « Deep Underneath ». Audiomatic se poursuit sans tarder sur la musique de la formation australienne The Church. Thank you. in a technicolor sundown. Had them standing on their heads. Now they're propping up our front line, and behind them is a plague. Maybe the whole shit finished months ago, but they just forgot to say. And I'm proud to say I made it, sweet 16, and I'd like to share a glass. But this hot wine turns my inside out, I can't drink it through the mask. You remember how it started, all the liberation stuff, how the man would tip his beret, he was really one of us. My milk turned to Mecca, my face fell to the floor, think I found the key to heaven, but I cannot find it at all. Audiomatic, cette séquence de deux pièces se terminait sur la musique de la formation de Legendary Pink Dots et sa composition de Key to Heaven qu'on peut retrouver sur l'album Shadow Weaver sorti en 1992. Et avant cela, c'était le groupe The Church et sa pièce It Could Be Anyone qu'on peut retrouver sur l'album Magician Among the Spirits publié en 1996. À Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe écossais Mogwai. qu'est-ce que tu fais? Tu es jolie, tu es ma vie, un peu salope. C'était à Audiomatique la formation belge Vive la fête qui nous interprétait la pièce Attaque reprise, qui est extraite de l'édition spéciale de l'album Attaque surprise, sorti en 2020. Mentionnons que la version originale de l'album Attaque surprise de Vive la fête a été lancée en 2000. Et pour débuter, nous avions droit à la formation écossaise Mogwai qui nous offrait la pièce If You Find This World Bad, You Should See Some of the Others, qui est extraite de son plus récent album The Bad Fire. Cette transmission d'Audiomatique se conclura sur la musique du groupe Layback, de qui nous allons entendre la pièce Deus Ex Machina, tirée de l'album Jesus Christ Superstars, paru en 1996. Nous vous donnons bien sûr rendez-vous mercredi prochain, dès 17h, pour une autre transmission d'Audiomatique. Soyez attentifs au contenu que nous publions sur nos plateformes et sur facebook.com/ Audiomatique CFOU, si jamais vous êtes intéressé à entendre ou même réentendre nos anciennes émissions en balado-diffusion. Alors voici Layback et la composition Deus Ex Machina. C'était Audiomatique avec les sonoristes.